Livre 9, première partie. Du paradis perdu de John Milton. Traduit par François René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Thomas Copeland. Livre 9, première partie. Argument. Satan, ayant parcouru la terre avec une fourberie méditée, revient de nuit comme un brouillard dans le paradis. Il entre dans le serpent endormi. Adam et Ève sortent au matin pour leurs ouvrages, qu'Ève propose de diviser en différents endroits, chacun travaillant à part. Adam n'y consent pas, alléguant le danger, de peur que l'ennemi, dont ils ont été avertis, ne la tentât quand il la trouverait seule. Ève, offensée de n'être pas crue ou assez circonspecte ou assez ferme, insiste pour aller à part, désireuse de mieux faire preuve de sa force. Adam cède enfin, le serpent la trouve seule. Sa subtile approche, d'abord contemplant, ensuite parlant, et avec beaucoup de flatterie élevant Ève au-dessus de toutes les autres créatures. Ève, étonnée d'entendre le serpent parler, lui demande comment il a acquis la voix humaine et l'intelligence qu'il n'avait pas jusqu'alors. Le serpent répond qu'en goûtant d'un certain arbre dans le paradis, il a acquis à la fois la parole et la raison qui lui avaient manqué jusqu'alors. Ève lui demande de la conduire à cet arbre, et elle trouve que c'est l'arbre de la science défendue. Le serpent, à présent devenu plus hardi, par une foule d'astuces et d'arguments, l'engage à la longue à manger. Elle, ravie du goût, délibère un moment si elle en fera part ou non à Adam. Enfin, elle lui porte du fruit. Elle raconte ce qui l'a persuadé d'en manger. Adam, d'abord consterné, mais voyant qu'elle était perdue, se résout par véhémence d'amour à périr avec elle, et, atténuant la faute, il mange aussi du fruit. Ses effets sur tous deux. Ils cherchent à couvrir la nudité. Ensuite, ils tombent dans désaccord et s'accusent l'un l'autre. Plus de ces entretiens, dans lesquels Dieu ou l'ange, hôte de l'homme, comme avec leur ami, avaient accoutumé de s'asseoir, familier et indulgent, et de partager son champêtre repas, durant lequel il lui permettait sans blâme des discours excusables. Désormais, il me faut passer de ces accents aux accents tragiques. De la part de l'homme, honteuse défiance et rupture déloyale, révolte et désobéissance. De la part du ciel maintenant aliéné, éloignement et dégoût, colère et juste réprimande, et arrêt prononcé. Lequel arrêt fit entrer dans ce monde un monde de calamité, le péché et son ombre la mort, et la misère avant-coureur de la mort. Triste tâche! Cependant, sujet non moins élevé, mais plus héroïque que la colère de l'implacable Achille contre son ennemi, poursuivi trois fois fugitif autour des murs de toi, ou que la rage de Turnus pour l'avenir des mariés, ou que le courroux de Neptune et celui de Junon, qui si longtemps persécuta le grec et le fils de Cythérée, sujet non moins élevé, si je puis obtenir de ma céleste patronne un style approprié, de cette patronne qui daigne, sans être implorée, me visiter la nuit, et qui dicte mon sommeil, ou inspire facilement mon vers non prémédité. Ce sujet me plut d'abord pour un chant héroïque, longtemps choisi, commencé tard. La nature ne m'a point rendu diligente à raconter les combats, regardés jusqu'ici comme le seul sujet héroïque. Quel chef-d'œuvre disséquée avec un long et ennuyeux ravage des chevaliers fabuleux dans les batailles feintes. Et le plus noble courage de la patience et le martyr héroïque demeurant non chantés. Ou décrire des courses et des jeux, des appareils de pas d'armes, des boucliers blasonnés, des devises ingénieuses, des caparaçons et des destriers, des housses et des harnais de clinquants, de superbes chevaliers aux joutes et aux tournois, oui, des festins ordonnés servis dans une salle par des écuyers tranchants et des sénéchaux. L'habileté dans un art ou dans un travail chétif n'est pas ce qui donne justement un nom héroïque à l'auteur ou au poème. Pour moi, de ces choses ni instruit ni studieux, un sujet plus haut me reste, suffisant de lui-même pour immortaliser mon nom, à moins qu'un siècle trop tardif, le froid climat ou les ans n'engourdissent mon aile humiliée. Il pourrait, si tout cet ouvrage était le mien, non celui de la divinité, qui chaque nuit l'apporte à mon oreille. Le soleil s'était précipité, et après lui l'astre d'Hespérus, dont la fonction est d'amener le crépuscule à la terre, conciliateur d'un moment entre le jour et la nuit. Et à présent, l'hémisphère de la nuit avait voilé, d'un bout à l'autre, le cercle de l'horizon. Quand Satan, qui dernièrement s'était enfoui d'Éden devant les menaces de Gabriel, maintenant perfectionné en fraude méditée et en malice, acharné à la destruction de l'homme, malgré ce qui pouvait arriver de plus aggravant pour lui-même, revint, sans frayeur. Il s'envola de nuit et revint à minuit, ayant achevé le tour de la terre, se précautionnant contre le jour. Depuis qu'Uriel, régent du soleil, découvrit son entrée dans Éden et en prévint les chérubins qui tenaient leur veille. De là chassé, plein d'angoisse, il rôda pendant 7 nuits continues avec les ombres. 3 fois il circula autour de la ligne équinoxiale, 4 fois il croisa le char de la nuit de pôle en pôle, en traversant chaque colure. À la 8e nuit, il retourna, et du côté opposé de l'entrée du paradis, ou de la garde des chérubins, il trouva d'une manière furtive un passage non suspecté. Là était un lieu qui n'existe plus. Le péché, non le temps, opéra d'abord ce changement. D'où le tigre, du pied du paradis, s'élançait dans un gouffre sous la terre, jusqu'à ce qu'une partie de ses eaux ressortît en fontaine auprès de l'arbre de vie. Satan s'abîme avec le fleuve et se relève avec lui, enveloppé dans la vapeur émergente. Il cherche ensuite où se tenir caché. Il avait exploré la mer et la terre depuis Éden jusqu'au pont Hyxin et les palus méotides. Par-delà le fleuve d'Obi, descendant aussi loin que le pôle antarctique, en longueur à l'occident depuis l'Oronte jusqu'à l'océan que barre l'isthme de Darien, et de là jusqu'au pays où coulent le Gange et l'Indus. Ainsi, il avait rôdé sur le globe avec une minutieuse recherche et considéré avec une inspection profonde chaque créature pour découvrir celle qui serait la plus propre de toutes à servir ses artifices. Et il trouva que le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs. Après un long débat, irrésolu et tournoyant dans ses pensées, Satan, par une détermination finale, choisit la convenable greffe du mensonge, le vase convenable, dans lequel il put entrer et cacher ses noires suggestions au regard le plus perçant. Car dans le rusé serpent, toutes les finesses ne seraient suspectes à personne, comme procédant de son esprit et de sa subtilité naturelle, tandis que remarqué dans d'autres animaux, elle pourrait engendrer le soupçon d'un pouvoir diabolique, actif en eux et surpassant l'intelligence de ces brutes. Satan prit cette résolution, mais d'abord, de sa souffrance intérieure, sa passion éclatant, s'exhala en ses plaintes. Ô terre, combien tu ressembles au ciel, si tu ne lui es plus justement préféré, demeure plus digne des dieux, comme étant bâti par les secondes pensées, réformant ce qui était vieux. Car quel dieu voudrait élever un pire ouvrage après en avoir bâti un meilleur? Terrestre ciel, autour duquel se meuvent d'autres cieux qui brillent, encore leurs lampes officieuses apportent-elles lumière sur lumière, pour toi seul, comme il semble, concentrant en toi tout leur précieux rayon d'une influence sacrée. De même que dans le ciel Dieu est centre et toute voix s'étend à tout, de même, toi, centre, tu reçois de tous ces globes. En toi, non en nous-mêmes, toute leur vertu connue apparaît, productive dans l'herbe, dans la plante et dans la plus noble naissance des êtres animés, d'une graduelle vie, la végétation, le sentiment, la raison, tous réunis dans l'homme. Avec quel plaisir j'aurais fait le tour de la terre, si je pouvais jouir de quelque chose. Quelle agréable succession de collines, de vallées, de rivières, de bois et de plaines, à présent la terre, à présent la mer, des rivages couronnés de forêts, des rochers, des antres, des grottes. Mais je n'y ai trouvé ni demeure ni refuge. Et plus je vois de félicités autour de moi, plus je sens de tourments en moi, comme si j'étais le siège odieux de contraire. Tout bien pour moi devient poison. Et dans le ciel, ma condition serait encore pire. Mais je ne cherche à demeurer ni ici ni dans le ciel, à moins que je n'y domine le souverain maître des cieux. Je n'espère point d'être moins misérable par ce que je cherche. Je ne veux que rendre d'autres tels que je suis. Dusse par là redoubler mes maux. Car c'est seulement dans la destruction que je trouve un adoucissement de mes pensées sans repos. L'homme pour qui tout ceci a été fait étant détruit ou porté à faire ce qui opérera sa perte entière, tout ceci le suivra bientôt, comme enchaîné à lui en bonheur ou malheur. En malheur, donc, qu'au loin la destruction s'étende. À moi seul, parmi les pouvoirs infernaux, appartiendra la gloire d'avoir corrompu dans un seul jour ce que celui nommé le Tout-Puissant continua de faire pendant 6 nuits et 6 jours. Et qui sait combien de temps auparavant il l'avait médité, quoique peut-être ce ne soit que depuis que, dans une seule nuit, j'ai affranchi d'une servitude inglorieuse près de la moitié des races angéliques et éclairci la foule de ses adorateurs. Lui, pour se venger, pour réparer ses nombres ainsi diminués, soit que sa vertu de longtemps épuisée lui manqua maintenant pour créer d'autres anges, si pourtant ils sont sa création, soit que pour nous députer davantage, il se déterminât à mettre en notre place une créature formée de terre, il l'enrichit, elle sortit d'une si basse origine, de dépouilles célestes, nos dépouilles. Ce qu'il décréta, il accomplit. Il fit l'homme, et lui bâtit ce monde magnifique, et de la terre, sa demeure, il le proclama Seigneur. Oh, indignité ! Il assujettit au service de l'homme les ailes de l'ange, il astreignit des ministres flamboyants à veiller et à remplir leurs terrestres fonctions. Je crains la vigilance de ceux-ci. Pour l'éviter, enveloppé ainsi dans le brouillard et la vapeur de minuit, je glisse obscur, je fouille chaque buisson, chaque fougeraie où le hasard peut me faire trouver le serpent endormi, afin de me cacher dans ses replis tortueux, moi et la noire intention que je porte. Honteux abaissement, moi qui naguère combattu les dieux pour siéger le plus haut, réduit aujourd'hui à m'unir à un animal, et, mêlé à la fange de la bête, à incarner cette essence, à abrutir celui qui aspirait à la hauteur de la divinité. Mais à quoi l'ambition et la vengeance ne peuvent-elles pas descendre? Qui veut monter doit ramper aussi bas qu'il a volé haut, exposé tôt ou tard aux choses les plus viles. La vengeance, quoique douce d'abord, amère avant peu, sur elle-même recule. Soit, peu m'importe, pourvu que le coup éclate bien miré, puisqu'en ajustant plus haut je suis hors de portée, je vise à celui qui le second provoque mon envie, à ce nouveau favori du ciel, à cet homme d'argile, à ce fils du dépit, que pour nous marquer plus de dédain, son auteur éleva de la poussière. La haine par la haine est mieux payée. Il dit, à travers les buissons humides ou arides, comme un brouillard noir et rampant, il poursuit sa recherche de minuit pour rencontrer le serpent, le plus tôt possible. Il le trouva, bientôt, profondément endormi, roulé sur lui-même dans un labyrinthe de cercles, sa tête élevée au milieu et remplie de fines ruses. Non encore dans une ombre horrible ou un repère effrayant, non encore nuisible, sur l'herbe épaisse, sans crainte et non crainte, il dormait. Le démon entra par sa bouche, et s'emparant de son instinct brutal, dans la tête ou dans le cœur, il lui inspira bientôt des actes d'intelligence. Mais il ne troubla point son sommeil, attendant, ainsi renfermé, l'approche du matin. Déjà la lumière sacrée commençait de poindre dans Éden parmi les fleurs humides qui exhalaient leur encens matinal, alors que toutes les choses qui respirent sur le grand autel de la terre élèvent vers le Créateur des louanges silencieuses et une odeur qui lui est agréable. Le couple humain sortit de son berceau et joignit l'adoration de sa bouche au cœur des créatures privées de voix. Cela fait, nos parents profitent de l'heure, la première pour les plus doux parfums et les plus douces brises. Ensuite, ils délibèrent comment ce jour-là ils peuvent le mieux s'appliquer à leur croissant ouvrage, car cet ouvrage dépassait de beaucoup l'activité des mains des deux créatures qui cultivaient une si vaste étendue. Ève, la première, parla de la sorte à son mari. Adam, nous pouvons nous occuper encore à parer ce jardin, à relever encore la plante, l'herbe et la fleur, agréable tâche qui nous est imposée, mais jusqu'à ce qu'un plus grand nombre de mains vienne nous aider, l'ouvrage sous notre travail augmente, prodigue par contrainte. Ce que pendant le jour nous avons taillé de surabondant, ou ce que nous avons élagué, ou appuyé, ou lié, en une nuit ou deux, par un fol accroissement, se rit de nous, et tend de redevenir sauvage. Avise donc cela maintenant, ou écoute les premières idées qui se présentent à mon esprit. Divisons nos travaux, toi, va où ton choix te guide, ou du côté qui réclame le plus de soin, soit pour tourner le chèvrefeuille autour de ce berceau, soit pour diriger le lierre grimpant là où il veut monter, tandis que moi, là-bas, dans ce plan de roses entremêlées de myrtes, je trouverai jusqu'à midi des choses à redresser. Car lorsqu'ainsi nous choisissons tout le jour notre tâche, si près l'un de l'autre, faut-il s'étonner, quittant si près, des regards et des sourires interviennent, ou qu'un objet nouveau ramène un entretien imprévu, qui réduit notre travail du jour interrompu à peu de choses, bien que commencé matin. Alors arrive l'heure du souper, non gagnée. Adam lui fit cette douce réponse. Ma seule Ève, ma seule associée, à moi sans comparaison plus chère que toute la créature vivante, bien as-tu proposé, bien as-tu employé tes pensées pour découvrir comment nous pourrions accomplir le mieux ici l'ouvrage que Dieu nous a assigné. Tu ne passeras pas sans être loué de moi. Car rien n'est plus aimable dans une femme que d'étudier le devoir de famille et de pousser son mari aux bonnes actions. Cependant, notre maître ne nous a pas si étroitement imposé le travail qu'il nous interdise le délassement quand nous en avons besoin, soit par la nourriture, soit par la conversation entre nous, nourriture de l'esprit, soit par ce doux échange des regards et des sourires, car les sourires découlent de la raison. Refusés à la brute, ils sont l'aliment de l'amour. L'amour n'est pas la fin la moins noble de la vie humaine. Dieu ne nous a pas fait pour un travail pénible, mais pour le plaisir, et pour le plaisir joint à la raison. Ne doute pas que nos mains unies ne défendent facilement contre le désert ces sentiers et ces berceaux, dans l'étendue dont nous avons besoin pour nous promener, jusqu'à ce que de plus jeunes mains viennent avant peu nous aider. Mais si trop de conversation peut-être te rassasie, je pourrais consentir à une courte absence, car la solitude est quelquefois la meilleure société. Et une courte séparation précipite un doux retour. Mais une autre inquiétude m'obsède. J'ai peur qu'il ne t'arrive quelque mal quand tu seras sevré de moi. Car tu sais de quoi nous avons été avertis. Tu sais quel malicieux ennemi, enviant notre bonheur et désespérant du sien, cherche à opérer notre honte et notre misère par une attaque artificieuse. Il veille sans doute quelque part près d'ici, dans la vide espérance de trouver l'objet de son désir, et son plus grand avantage, nous étant séparés. Il est sans espoir de nous circonvenir réunis, parce qu'au besoin nous pourrions nous prêter l'un à l'autre un rapide secours, soit qu'il ait pour principal dessein de nous détourner de la foi envers Dieu, soit qu'il veuille troubler notre amour conjugal, qui excite peut-être son envie plus que tout le bonheur dont nous jouissons. Que ce soit là son dessein ou quelque chose de pis, ne quitte pas le côté fidèle qui t'a donné l'être, qui t'abrite encore et te protège. La femme, quand le danger ou le déshonneur les pis, demeure plus en sûreté, et avec plus de bienséance auprès de son mari, qui la garde, ou endure avec elle toutes les extrémités. La majesté virginale d'Ève, comme une personne qui aime et qui rencontre quelque rigueur, lui répondit avec une douce et austère tranquillité. Fils de la terre et du ciel, et souverain de la terre entière, que nous ayons un ennemi qui cherche notre ruine, je l'ai su de toi et de l'ange, dont je suppris les paroles à son départ, lorsque je me tenais en arrière, dans un enfoncement ombragé, tout juste alors revenu au fermé des fleurs du soir. mais que tu doutes de ma constance envers Dieu ou envers toi, parce que nous avons un ennemi qui la peut tenter, c'est ce que je ne m'attendais pas à ouïr. Tu ne crains pas la violence de l'ennemi? Étant tels que nous sommes, incapables de mort et de douleur, nous ne pouvons recevoir ni l'une ni l'autre, ou nous pouvons les repousser. Sa fraude cause donc ta crainte, d'où résulte clairement ton égale frayeur de voir mon amour et ma constante fidélité ébranlés ou séduits par sa ruse. Comment ces pensées ont-elles trouvé place dans ton sein, ô Adam? As-tu pu mal penser de celle qui t'est si chère? Adam, par ses paroles propres à la guérir, répliqua. Fille de Dieu et de l'homme, immortelle Ève, car tu es telle, non encore entamée par le blâme et le péché, ce n'est pas en défiance de toi que je te dissuade de l'absence loin de ma vue, mais pour éviter l'entreprise de notre ennemi. Celui qui tente, même vainement, répand du moins le déshonneur sur celui qui l'a tenté. Il a supposé sa foi non incorruptible, non à l'épreuve de la tentation. Toi-même, tu ressentirais avec dédain et colère l'injure offerte, quoique demeurée sans effet. Ne te méprends donc pas si je travaille à détourner un pareil affront de toi seul. Un affront, car nous deux à la fois, l'ennemi, bien qu'audacieux, oserait à peine offrir, ou s'il l'osait, l'assaut s'adresserait d'abord à moi. Ne méprise pas sa malice et sa perfide ruse. Il doit être astucieux, celui qui a pu séduire des anges. Ne pense pas que le secours d'un autre soit superflu. L'influence de tes regards me donne accès à toutes les vertus. À ta vue, je me sens plus sage, plus vigilant, plus fort s'il était nécessaire de force extérieure. Tandis que tu me regarderais, la honte d'être vaincu ou trompé soulèverait ma plus grande vigueur et la soulèverait tout entière. Pourquoi ne sentirais-je pas au-dedans de toi la même impression quand je suis présent? Et ne préférerais-tu pas subir ton épreuve avec moi, moi, le meilleur témoin de ta vertu éprouvée? Ainsi parla Adam, dans sa sollicitude domestique et son amour conjugal. Mais Ève, qui pensa qu'on n'accordait pas assez à sa foi sincère, renouvela sa repartie avec un doux accent. Si notre condition est d'habiter ainsi dans une étroite enceinte, resserrée par un ennemi subtil ou violent, nous n'étant pas doués séparément d'une force égale pour nous défendre partout où il nous rencontrera, comment sommes-nous heureux? Toujours dans la crainte du mal. Mais le mal ne précède point le péché. Seulement notre ennemi, en nous tentant, nous fait un affront par son honteux mépris de notre intégrité. Son honteux mépris n'attache point de déshonneur à notre front, mais retombe honteusement sur lui. Pourquoi donc serait-il évité et craint par nous, qui gagnons plutôt un double honneur de sa prénotion prouvée fausse, qui trouvons dans l'événement la paix intérieure et la faveur du ciel notre témoin? Et qu'est-ce que la fidélité, l'amour, la vertu, essayées seules, sans être soutenues d'un secours extérieur? Ne soupçonnons donc pas notre heureux état d'avoir été laissé si imparfait par le sage Créateur, que cet état ne soit pas assuré, soit que nous soyons séparés ou réunis. Fragile est notre félicité, s'il en est de la sorte. Ainsi exposé, Éden ne serait plus Éden. Adam, avec ardeur, répliqua. Femme, toutes choses sont pour le mieux, comme la volonté de Dieu les a faites. Sa main créatrice n'a laissé rien de défectueux ou d'incomplet dans tout ce qu'il a créé, et beaucoup moins dans l'homme, ou dans ce qui peut assurer son heureux état, garanti contre la force extérieure. Le péril de l'homme est en lui-même, et c'est aussi dans lui qu'est sa puissance. Contre sa volonté, il ne peut recevoir aucun mal, mais Dieu a laissé la volonté libre, car qui obéit à la raison est libre, et Dieu a fait la raison droite, mais il lui a commandé d'être sur ses gardes, et toujours debout, de peur que, surprise par quelque belle apparence de bien, elle ne dicte faux et n'informe mal la volonté, pour lui faire faire ce que Dieu a défendu expressément. Ce n'est donc point la méfiance, mais un tendre amour qui ordonne à moi de t'avertir souvent, à toi aussi de m'avertir. Nous subsistons affermis, cependant il est possible que nous nous égarions, puisqu'il n'est pas impossible que la raison, par l'ennemi suborné, puisse rencontrer quelque objet spécieux et tomber surprise dans une déception imprévue, faute d'avoir conservé l'exacte vigilance, comme elle en avait été avertie. Ne cherche donc point la tentation, qu'il serait mieux d'éviter, et tu l'éviteras probablement si tu ne te sépares pas de moi. L'épreuve viendra sans être cherchée. Veux-tu prouver ta constance? Prouve d'abord ton obéissance. Et qui connaîtra la première si tu n'as point été tenté? Qui l'attestera? Si tu penses qu'une épreuve non cherchée peut nous trouver tous deux plus en sûreté qu'il ne te semble que nous le sommes, toi ainsi averti, va, car ta présence contre ta volonté te rendrait plus absente. Va dans ton innocence native, appuie-toi sur ce que tu as de vertu, réunis-la toutes, car Dieu envers toi a fait son devoir, fais le tien. Ainsi parla le patriarche du genre humain, mais Ève persista, et quoique soumise, elle répliqua la dernière. C'est donc avec ta permission, ainsi prévenue, et surtout à cause de ce que tes dernières paroles, pleines de raison, n'ont fait que toucher. L'épreuve, étant moins cherchée, nous trouverait peut-être moins préparés. C'est pour cela que je m'éloigne plus volontiers. Je ne dois pas beaucoup m'attendre qu'un aussi fier se dresse d'abord de la plus faible. S'il y était enclin, il n'en serait que plus honteux de sa défaite. Ainsi disant, elle retire doucement sa main de celle de son époux, et comme une nymphe légère des bois, Oréade ou Dryade, ou du cortège de la déesse de Délos, elle vole le bocage. Elle surpassait Diane elle-même par sa démarche et son port de déesse, quoiqu'elle ne fût point armée comme elle de l'arc et du carquois, mais de ses instruments de jardinage, tels que l'art simple encore et innocent du feu, les avait formés, ou tels qu'ils avaient été apportés par les anges. Ornés comme palais ou pomone, elle leur ressemblait. À pomone, quand elle fuit vertune, à cérèse dans sa fleur. Lorsqu'elle était vierge encore de Proserpine, qu'elle eut de Jupiter, Adam était ravi. Son œil la suivit longtemps d'un regard enflammé, mais il désirait davantage qu'elle fût restée. Souvent il lui répète l'ordre d'un prompt retour, aussi souvent elle s'engage à revenir à midi au berceau, à mettre toutes choses dans le meilleur ordre, pour inviter Adam au repas du milieu du jour ou au repos de l'après-midi. Oh, combien déçue, combien trompée, malheureuse Ève, sur ton retour présumé, événement pervers. À compter de cette heure, jamais tu ne trouveras dans le paradis ni doux repas, ni profond repos. Une embûche est dressée parmi ces fleurs et ces ombrages, tu es attendu par une rancune infernale qui menace d'intercepter ton chemin ou de te renvoyer dépouillé d'innocence, de fidélité, de bonheur. Car maintenant, et depuis l'aube du jour, l'ennemi, simple serpent en apparence, était venu, cherchant le lieu où il pourrait rencontrer plus vraisemblablement les deux seuls de l'espèce humaine, mais en eux toute leur race, sa propre jetée. Il cherche dans le bocage et dans la prairie, là où quelques bouquets de bois, quelques parties de jardin, objet de leurs soins ou de leur plantation, se montrent plus agréables pour leurs délices. Au bord d'une fontaine ou d'un petit ruisseau ombragé, il les cherche tous deux, mais il désirerait que son destin pût rencontrer Ève séparée d'Adam. Il le désirait, mais non avec l'espérance de ce qui arrivait si rarement, quand, selon son désir et contre son espérance, il découvre Ève seule, voilée d'un nuage de parfum, là où elle se tenait à demi aperçue, tant les roses épaisses et touffues rougissaient autour d'elle. Souvent, elle se baissait pour relever les fleurs d'une faible tige, dont la tête, quoique d'une vive carnation, empourprée, azurée ou marquetée d'or, pendait sans support, et les redressait gracieusement avec un lien de myrte, sans songer qu'elle-même, la fleur la plus belle, était non soutenue, son meilleur appui si loin, la tempête si proche. Le serpent s'approchait. Il franchit maintes avenues de plus magnifiques couverts, cèdres, pins ou palmiers, tantôt ondoyants et hardis, tantôt cachés, tantôt vus parmi les arbustes entrelacés et les fleurs formant bordure des deux côtés, ouvrage de la main d'Ève, retraite plus délicieuse que ces fabuleux jardins d'Adonis ressuscités, ou d'Alcinous, renommé hôte du vieux Laerte, ou bien encore que ce jardin, non mystique, dans lequel le sage roi se livrait à de mutuelles caresses avec la belle égyptienne, son épouse. Satan admire le lieu, encore plus la personne, comme un homme longtemps enfermé dans une cité populeuse dont les maisons serrées et les égouts corrompent l'air, par un matin d'été il sort pour respirer dans les villages agréables et dans les fermes adjacentes. De toutes choses qu'il rencontre, il tire un plaisir. L'odeur des blés ou de l'herbe fauchée, ou celle des vaches et des laiteries, chaque objet rustique, chaque bruit champêtre, tout le charme. Si d'aventure une belle vierge, au pas de nymphe, vient à passer, ce qui plaisait à cet homme lui plaît davantage à cause d'elle. Elle l'emporte sur tout, et dans son regard, elle réunit toutes les délices. Le serpent prenait un pareil plaisir à voir ce plateau fleuri, doux abri d'Ève ainsi matineuse, ainsi solitaire. Sa forme angélique et céleste, mais plus suave et plus féminine, sa gracieuse innocence, toute la façon de ses gestes ou de ses moindres mouvements, intimide la malice de Satan, et par un doux larcin, dépouille sa violence de l'intention violente qu'il a portée. Dans cet intervalle, le mal unique demeure abstrait de son propre mal, et pendant ce temps demeura stupidement bon, désarmé qu'il était d'inimitié, de fourberie, de haine, d'envie, de vengeance. Mais l'enfer ardent qui brûle toujours en lui, quoique dans un demi-ciel, finit bientôt ses délices, et le torture d'autant plus qu'il voit plus de plaisirs non destinés pour lui. Alors il rappelle la haine furieuse, et caressant ses pensées de malheur, il s'excite faite de la sorte. Pensez, où m'avez-vous conduit? Par quelle douce impulsion ai-je été poussé à oublier ce qui nous a amenés ici? La haine, non l'amour, ni l'espoir du paradis pour l'enfer, ni l'espoir de goûter ici le plaisir, mais de détruire tout plaisir, excepté celui qu'on éprouve à détruire, toute autre joie pour moi est perdue. Ainsi, ne laissons pas échapper l'occasion qui me rit à présent. Voici la femme seule, exposée à toutes les attaques. Son mari, car je vois au loin tout alentour, n'est pas auprès d'elle. J'évite davantage sa plus haute intelligence et sa force. D'un courage fier, bâti de membres héroïques, quoique moulés en terre, ce n'est point un ennemi peu redoutable. Lui, exempt de blessures, moi, non. Tant l'enfer m'a dégradé, tant la souffrance m'a fait déchoir de ce que j'étais dans le ciel. Ève est belle, divinement belle, faite pour l'amour des dieux. Elle n'a rien de terrible, bien qu'il ait de la terreur dans l'amour et dans la beauté, quand elle n'est pas approchée par une haine plus forte, haine d'autant plus forte qu'elle est mieux déguisée sous l'apparence de l'amour. C'est le chemin que je tente pour la ruine d'Ève. Ainsi parle l'ennemi du genre humain, mauvais hôte du serpent dans lequel il était renfermé. Et vers Ève il poursuit sa route. Il ne se traînait pas alors en ondes dentelées, comme il l'a fait depuis. Mais il se dressait sur sa croupe, base circulaire de replis superposés, qui montait en forme de tour, orbe sur orbe, labyrinthe croissant. Une crête s'élevait haute sur sa tête, ses yeux étaient d'escarboucles. Son cou était d'un or vert bruni. Il se tenait debout au milieu de ses spirales arrondies, qui sur le gazon flottaient redondantes. Agréable et charmante était sa forme. Jamais serpent de puits n'ont été plus beaux, ni celui dans lequel furent changés en Illyrie Hermione et Cadmus, ni celui qui fut le dieu d'Épidore, ni ceux en qui transformés furent vus Jupiter Amon et Jupiter Capitolin, le premier avec Olympias, le second avec celle qui enfanta Scipion, la grandeur de Rome. D'une course oblique, comme quelqu'un qui cherche accès auprès d'une personne, mais qui craint de l'interrompre, il trace d'abord son chemin de côté, tel qu'un vaisseau manœuvré par un pilote habile à l'embouchure d'une rivière ou près d'un cap, autant de fois il vire de bord et change sa voile. Ainsi Satan variait ses mouvements, et de sa queue formait de capricieux anneaux à la vue d'Ève pour amorcer ses regards. Occupé, elle entendit le bruit des feuilles froissées, mais elle n'y fit aucune attention, accoutumée qu'elle était dans les champs à voir se jouer devant elle toutes les bêtes. Plus soumise à sa voix que ne le fut à la voix de Circé, le troupeau métamorphosé. Plus hardi alors, le serpent, non appelé, se tint devant elle. Mais comme dans l'étonnement de l'admiration, souvent, d'une manière caressante, il abaissait sa crête superbe, son cou poli ou émaillé, et léchait la terre qu'Ève avait foulée. Sa gentille expression muette amène enfin le regard d'Ève à remarquer son badinage. Ravi d'avoir fixé son attention, Satan, avec la langue organique du serpent, ou par l'impulsion de l'air vocal, commença de la sorte sa tentation astucieuse. « Ne sois pas émerveillée, maîtresse souveraine, si tu peux l'être, toi qui es la seule merveille, encore moins n'arme pas de mépris ton regard ciel de la douceur, irrité que je m'approche de toi et que je te contemple insatiable, moi, ainsi seul, je n'ai pas craint ton front, plus imposant encore ainsi retiré. Oh, la plus belle ressemblance de ton beau Créateur, toi, toutes les choses vivantes t'admirent, toutes les choses qui t'appartiennent en don adorent ta beauté céleste, contemplée avec ravissement. La beauté considérée davantage, là où elle est universellement admirée, mais ici, dans cet enclos sauvage, parmi ces bêtes, spectateurs grossiers et insuffisants pour discerner la moitié de ce qui en toi est beau, un homme excepté qui te voit. Et qu'est-ce qu'un seul à te voir, toi qui devrais être vue déesse parmi les dieux, adorée et servie des anges sans nombre, ta cour journalière? Telles étaient les flatteries du tentateur, tel fut le ton de son prélude. Ces paroles firent leur chemin dans le cœur d'Ève, bien qu'elle s'étonnât beaucoup de la voix. Enfin, non sans cesser d'être surprise, elle répondit : qu'est-ce que ceci ? Le langage de l'homme prononcé ? La pensée humaine exprimée par la langue d'une brute ? Je croyais du moins que la parole avait été refusée aux animaux, que Dieu, au jour de la création, les avait fait muets pour tout son articulé. Quant à la pensée, je doutais. Car dans les regards et dans les actions des bêtes, souvent paraît beaucoup de raison. Toi, serpent, je te connaissais bien pour le plus subtil des animaux des champs, mais j'ignorais que tu fusses doué de la voix humaine. Redouble donc ce miracle, et dis comment tu es devenu parlant, de muet que tu étais, et comment tu es devenu plus mon ami que le reste de l'espèce brute, qui est journellement sous mes yeux. Dis, car une telle merveille réclame l'attention qui lui est due. L'audacieux tentateur répliqua de la sorte : impératrice de ce monde beau, Ève resplendissante, il m'est aisé de te dire tout ce que tu ordonnes. Il est juste que tu sois obéie. J'étais d'abord comme le sont les autres bêtes qui passent l'herbe foulée aux pieds. Mes pensées étaient abjectes et basses, comme l'était ma nourriture. Je ne pouvais discerner que l'aliment ou le sexe, et ne comprenais rien d'élevé, jusqu'à ce qu'un jour, roulant dans la campagne, je découvris au loin, par hasard, un bel arbre chargé de fruits, des plus belles couleurs mêlées, pourpre et or. Je m'en approchai pour le contempler, quand des rameaux s'exhala un parfum savoureux, agréable à l'appétit. Il charma mes sens plus que l'odeur du doux fenouil, plus que la mamelle de la brebis ou de la chèvre, qui laisse échapper le soir le lait non sucé de l'agneau ou du chevreau, occupé de leur jus. Pour satisfaire le vif désir que je ressentais de goûter à ces belles pommes, je résolus de ne pas différer. La faim et la soif, conseillères persuasives, aiguisées par l'odeur de ce fruit séducteur, me pressaient vivement. Soudain, je m'entortis au tronc moussu, car pour atteindre aux branches élevées au-dessus de la terre, cela demanderait ta haute taille ou celle d'Adam. Autour de l'arbre se montraient toutes les autres bêtes qui me voyaient. Languissant de pareil désir, elles me portaient envie, mais ne pouvaient arriver au fruit. Déjà parvenu au milieu de l'arbre, où pendait l'abondance si tentante et si près, je ne me fis faute de cueillir et de manger à satiété. Car jusqu'à cette heure, je n'avais jamais trouvé un pareil plaisir aux aliments ou à la fontaine. rassasié enfin, je ne tardai pas d'apercevoir en moi un changement étrange au degré de raison de mes facultés intérieures. La parole ne me manqua pas longtemps, quoique je conservasse ma forme. Dès ce moment, je tournai mes pensées vers des méditations élevées ou profondes, et je considérai d'un esprit étendu toutes les choses visibles dans le ciel, sur la terre ou dans l'air. Toutes les choses bonnes et belles, mais tout ce qui est beau et bon dans ta divine image et dans le rayon céleste de ta beauté, je le trouve réuni. Il n'est point de beauté à la tienne pareille ou seconde. Elle m'a contraint, quoique important peut-être, à venir, te contempler, à t'adorer, toi qui de droit t'es déclarée souveraine des créatures, dame universelle. Ainsi parle l'animé et rusé serpent. Et Ève, encore plus surprise, lui répliqua, imprudente. Serpent, tes louanges excessives me mettent en doute de la vertu de cette fruit, sur toi le premier éprouvé. Mais dis-moi, où croît l'arbre? Est-il loin d'ici? Car nombreux sont les arbres de Dieu qui croissent dans le paradis, et plusieurs nous sont encore inconnus. Une telle abondance s'offre à notre choix que nous laissons un grand trésor de fruits sans les toucher. Ils restent suspendus incorruptibles jusqu'à ce que les hommes naissent pour les cueillir, et qu'un plus grand nombre de mains nous aident à soulager la nature de son enfantement. L'insidieuse couleuvre, joyeuse et satisfaite, impératrice, le chemin est facile et n'est pas long. Il se trouve au-delà d'une vallée de myrtes, sur une pelouse, tout près d'une fontaine, quand on a passé un petit bois excellant la myrrhe et le baume. Si tu m'acceptes pour conducteur, je t'y aurai bientôt mené. Conduis-moi donc, dit-elle. Fin de livre 9, première partie, enregistré par Thomas Copeland.